s'enfuir et après revivre à peu près les mêmes choses qu'on fuit, s'en aller ailleurs, passer l'équateur et se croire à l'abri. Le monde est sans bout, le centre est partout, notre ombre nous suit. S'enfuir et toujours, les chagrins d'amour durent toute une vie. Partir en courant, échapper au temps, découvrir un ciel. Aller sans valise, sans idée précise, seulement se faire la belle. S'enfuir et alors, c'est l'aéroport, l'achat d'un billet. Aussi loin qu'on va, on part avec soi, on ne s'oublie jamais. Chagrin d'amour dure toute une vie. Se mettre à l'écart, ne plus rien savoir du monde où l'on est. Laisser en arrière les idées amères, les projets qu'on a faits. Se cacher si loin que jamais quelqu'un puisse nous retrouver. On se perd vraiment comme sur l'océan les anciens voiliers. Le monde est sans bout, le centre est partout, notre ombre nous suit. S'enfuir et toujours, les chagrins d'amour dure toute une vie.